Il est mort. Pour cette nouvelle saison de Road to Hellfest, en plus des épisodes habituels, on avait prévu avec Tonaï de faire des rétro-connés. Tu l'as refait une deuxième fois. Alors c'est trop marrant parce que j'ai déjà mangé le mot il y a 3 secondes, on a été à recommencer. Bon bah cette fois je laisse. Donc de faire des rétro, bah oui, c'est plus marrant. Coup de recommencer une première fois. Arrête, quand j'ai coupé, tu vas dire ah, tu as coupé, alors je coupe pas. Des rétro chroniques. Explication cette année avec toute la bande, toute la team, on ne va parler que des groupes qui viennent uniquement pour la première fois au Hellfest. En 2025. Mais il y a beaucoup de groupes qui sont déjà venus, dont on a déjà parlé, on n'a pas envie de faire de redites. Et pour ceux dont on n'a pas parlé, eh ben, tant pis. Vous aurez juste mon contre-avis avec celui de Tonaï. Mais avant de commencer ces rétro-chroniques, tout de suite, générique. Hey! J'espère que j'ai vraiment fait un générique, sinon vous aurez eu Tonaï qui fait pom pom pom. Donc, on va commencer tout de suite. Bah déjà, bonjour Tonaï, excuse-moi. Oui, quand attends, même. Je pense qu'il faut que tu remontes un tout petit peu ton micro. Ah, j'ai fait une partie. Non, c'est plus, tu vois, tu peux le tourner un peu plus. T'as pas vraiment fait une partie, tu n'entends pas le côté retour comme ça. Regarde. Ah si, ça, oui. C'est mieux, tu vois la différence. Ouais, c'est un peu plus mieux, ouais. Donc, tu veux le faire comme ça, sinon tu pouvais le tourner et l'avoir plus droit. Hein. C'est comme tu veux. C'est comme tu le sens. Non, c'est bien comme ça. J'aime bien. Ok. Bonsoir Tonaï. Hey, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ah bah ça va super. Ça fait plaisir de te retrouver carrément. Autour d'un micro. Ouais, c'est vrai. C'est que t'as manqué la semaine dernière. Ouais, bah ouais. Après t'étais viré. Bah ouais. Oui, j'ai appris ça, dis donc. Bah oui, non mais la vie. 2025, tout va trop vite. Bah oui, je sais, j'ai failli pas l'écouter, j'ai pas eu beaucoup de temps et tout ça. Ça se trouve, tu me l'aurais appris tout de suite là que t'étais viré. Oui, mais après t'es embauché la semaine prochaine. Ah, enfin, t'es réembauché, donc tout va bien. Ok, bon, mais ça va. Je te propose de commencer tout de suite. Je peux en profiter parce que du coup, si tu me réembauches la semaine prochaine, oui, petite augmentation, ça. Écoute, c'est normal. Avec l'inflation, tout ça, c'est normal. Je vais t'augmenter. Ok, super. Sachant que je paye déjà pas Bob et Parsi. Ah ouais, mais ça faut. Après, ça c'est notre petit secret. Oui, bien sûr. Donc là, on va commencer donc cette première capsule avec un guitariste chanteur qui doit s'ennuyer parce qu'en plus d'être musicien dans deux groupes, eh ben il a pas pu s'empêcher d'avoir une petite carrière solo. On va tout de suite parler de Tremonti. Et oui, Marc de son prénom est un guitariste chanteur qui a, en plus d'avoir joué dans Creed et dans Alter Bridge, se dit, dis donc, mes deux petits groupes, ils sont bien sympas, mais ils sont un petit peu calmes. Donc j'aurais bien tendance à aller, moi, m'énerver avec autre chose. Donc, ouais, il avait besoin de se défouler. Voilà, et avec des morceaux qui n'allaient pour lui pas dans Creed, qui allaient encore et non plus dans Alter Bridge, il voulait des trucs plus énervés avec plus de solo. Donc c'est là qu'il a formé Tremonti. J'avais pas gardé la date là. Ah, bouge pas, je l'ai. Non, je suis un professionnel. Non, mais je te fais confiance. J'ai les dates. Allez, remonte. Donc, il s'est formé. J'ai pas l'année de formation, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est une catastrophe. J'aurais un truc comme quoi. Blablabla, non. En 2010, comme 2010. Ça. En 2010, il commence à en parler. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il sort en 2012, le premier album. Ouais. Après, c'est compliqué, le côté, comme il était solo, de dire quand est-ce qu'il a vraiment formé. Ce qui est intéressant à noter, c'est que donc, il a voulu un truc beaucoup plus énervé. Mmh. Et qu'en plus, pour le deuxième album, il a pris Wolfgang Van Halen à la basse. Alors que, sympa. Ouais, sympa. Ah ouais. Donc et après bah derrière, il a enchaîné plein d'albums jusqu'au dernier qui est sorti en 2024 qui est je n'ai plus le titre là, tu l'as pas toi? Si tu l'as pas. De mémoire non. Et bah c'est très bien parce qu'il faut pas de mémoire. On est quand même sur un peu du métal alternatif. Comme disent les jeunes, je l'ai pas noté le dernier non plus. Ah si. Mart, bah non, 2021, c'est pas du tout le dernier ça. The hand will show us how. Exactement, j'allais le dire, ouais. On est donc sur 6 albums, hein, et il vient pour la 3e fois en solo au Hellfest. Ok. Alors qu'il est venu aussi avec Alter Bridge au moins 2 fois. D'accord. Et je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ce qu'il a fait, ce petit Marc, mais en plus de s'ennuyer de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a dû en faire d'autres. Il a fait un album de reprise de Frank Sinatra. D'accord. Ouais. Ok. J'ai pas du tout entendu parler de ça. Ah bah si, écoute, il a fait un... Il s'est dit, bon écoute, moi j'ai un peu de temps. J'ai fait des petites recherches, voir un peu ce qu'il y avait d'intéressant à dire, et j'ai pas du tout vu ah ça. Ah non, mais il a... En fait, c'est le gars vraiment entre tout. Parce qu'en plus, il y a Creed. En fait, Creed, c'est un groupe qui a vraiment cartonné dans les années 2000. Ok. Qui s'est arrêté après, donc là, il enchaînait avec Alter Bridge. Au sein d'Alter Bridge, il ne chantait pas. Juste, il avait tendance un petit peu à faire la gratte, à composer les morceaux. Mm-hmm. Tu sais, il a laissé Miles Kennedy au chant. Ah, ok. Et du coup, après, donc en solo, il a fait Tremonti. Et en plus de se faire chier, eh ben, le gars, il s'est dit, bah, je ferais bien un petit, j'ai l'impression que les gens me respectent pas assez. donc, c'est ce qu'il s'est dit. donc, il a fait un album de Frank Sinatra. Et là, je vois qu'en 2023, il a même sorti un album de Noël, de chants de Noël, ah bon. Tu vois. Donc 2022. Mais des reprises de Sinatra de Noël. Non, bah pas forcément. Tremonti. Là, en 2022, il y a Mark Tremonti sing Frank Sinatra, et en 2023, Mark Tremonti Christmas Classic. Et donc en 2024, un album de Tremonti, le mec. Pourquoi on le voit pas dans toutes les sorties de Tremonti justement. C'est dans le compte de Mark Tremonti, pas Tremonti, parce que Tremonti c'est le groupe. Ah d'accord. Tout est là. D'accord. Et c'est ça, Mark Tremonti, un mec qui s'ennuie dans la vie en général. Qui s'ennuie et puis qui a envie d'exprimer toutes ses émotions. Il peut pas s'arrêter. Un peu la colère, un petit peu la douceur. Même si tu me diras ce que t'en penses, mais moi en fait j'ai découvert Tremonti dans les débuts avec le deuxième album que je trouve vraiment plus énergique et tout. Et j'ai découvert en fait par hasard. Au download 2016, je me suis retrouvé, j'avais mal fait mon boulot à l'époque de bien me renseigner. Okay. Et c'était un soir et j'ai été voir ce que c'était, Tremonti. J'étais devant à prendre des photos avant de me rendre compte. J'ai dit, putain, mais ce gars-là, je l'ai vu quelque part. Ah ouais, d'accord. Je veux dire, je connais ce gars-là. Et si ça se trouve, c'était Wolfgang, qui était à la basse et j'ai pas fait gaffe non plus parce qu'à l'époque, je connaissais pas trop Wolfgang. Et du coup, c'est bizarre ce mec. Et après, je me suis rendu compte. Déjà, j'ai adoré parce qu'il est vraiment arrivé sur scène et il a envoyé la sauce direct. Ah, il avait une putain d'énergie. Ouais. Et c'est qu'après, je me suis dit, putain, mais c'est bien, Tremonti. Et j'ai dit, ah oui, c'est le guitariste de Creed. Parce que moi, je connaissais de Creed à l'époque. Ouais. Plus, ah, je connaissais pas trop Alter Bridge. D'accord. Enfin, je connaissais Alter Bridge. Je savais qu'il y avait trois membres de Creed qui avaient repris Alter Bridge. Ouais. Mais j'avais jamais fait gaffe. Parce que quasiment le groupe Creed, c'est quasiment tout le groupe Alter Bridge. Il y a que le chanteur qui a changé principalement. Okay. Si attends, je dis pas de conneries. Et donc, c'était cette époque-là que je l'ai connu, où il était un peu plus vénère. Malheureusement, je trouve qu'avec le temps, eh ben, c'est devenu un peu de plus en plus calme. Et là, on est pas très loin d'Alter Bridge. Je trouve ça quand même beaucoup plus mainstream qu'avant. Oui, justement, à réécouter, parce que j'ai réécouté justement un petit peu d'Alter Bridge. Et c'est vrai que, il y a certains morceaux, ouais, ça se rejoignait un peu. Ah ouais. Plus tu arrivais sur les derniers albums, ouais, plus ça commençait à se rejoindre un peu, ouais. Et donc là, tout le monde est heureux, très impatient même, déjà de savoir que t'es là. Mais ils ont hâte de savoir de ce que toi t'en as pensé d'Alter Tremonti. Eh ben, franchement, c'était une bonne découverte. Ouais. Bah, pareil, hein. Moi, je connaissais pas du tout. Hein, tu vois, donc j'ai découvert que c'était guitariste, hein, oui, guitariste. Bridge, hein. Oui. Pas chanteur. Non, non, pas chanteur, non, non. Non, c'est Miles Kennedy qui est chanteur. Ça, en découvrant Tremonti et tout, j'ai fait un petit peu. Alors par contre, j'ai pas du tout écouté de Creed, je vois pas du tout ce que ça donne. Oh. Ouais. Mais Creed, non, mais ouais. Les années 2000, mec, vraiment. Dans les années 2000, Creed, c'était d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de Creed, en plus, Tremonti, il en avait marre parce que tout le monde prenait Creed pour une espèce de groupe chrétien et lui, ça le saoulait. Non, on n'est pas chrétien, pourquoi ouais. Bah, parce qu'il a des chansons un petit peu comment dire qui pourraient se laisser apparaître avec les paroles, tu vois. Il y a un titre, c'était One Last Breath, donc le dernier souffle. Un autre, c'est My Sacrifice. Il y en a un autre, c'est Wide Arms Wide Open. Ça, c'est que des chansons mais des années 2000, mais de ouf malade. Regarde, regarde, tu connais pas cette chanson? C'était, regarde, en fait elle utilisait la technologie du film Matrix où ça tournait au ralenti des gens. Ah oui, ok, ça c'est... Ah non, ça me dit rien du tout. C'est saut de Et il est chanteur dans Creed? Non. Non, toujours guitariste. Il est toujours guitariste. Et Creed s'est reformé l'année dernière, justement. D'accord. Par contre, dans Tremonti, c'est lui qui chante. C'est lui qui chante, ouais. Et dans Frank Sinatra reprise aussi. Et je crois qu'il doit chanter dans le dernier album de enfin, il y a un truc à Alter Bridge où ils ont alterné avec Miles Kennedy, un truc. D'accord. Ah non, c'est en fait, je crois que c'est Miles Kennedy qui a dû faire un solo dans Alter Bridge et où là, parce qu'en fait, ils arrêtent pas de s'envoyer des fleurs. Tout le monde dit ouais, vous chantez bien tous les deux. Il fait non, c'est l'autre qui chante mieux. Non, c'est lui. Mais lui fait des meilleurs solos. Et je crois qu'il y a un truc où justement Tremonti disait non, mais en fait le meilleur guitariste entre moi et Miles, c'est Miles. Ok. Parce que Miles, Miles aussi a une carrière solo. Ah bon? Ouais. Il fait. Okay. Miles d'Alter Bridge. Oui. Et chanteur aussi du groupe Slash. Oh. Mais en fait, tu peux prendre, tu peux faire une map avec tous ces groupes. Ouais, et, je me doute bien. Et voilà. Oui, donc Tremonti, c'était ta découverte. Ouais, et donc. Ouais, ouais, ouais, carrément. Bah. Alors tout à l'heure, tu sais, je t'ai dit colère et tout, mais je trouve pas ça si énervé en vrai, hein, Tremonti. Hein, je... Non, mais j'entends, ouais, j'entends. C'est énergique, ouais. Ça envoie bien. Il y a, tu sens bien qu'il essaie de t'emmener dans un univers. Tu vois, c'est là où je regrette mes pauvres compétences en anglais, où j'aimerais bien mieux comprendre de quoi il parle. Surtout ces musiques-là où ça veut t'emmener quelque part. Tu l'entends bien, quoi. Mais en tout cas, musicalement, ça passe tout seul. C'est vraiment pas mal. Ouais, ouais. Ouais. Et à titre d'info, il y a The Dying Machine qui est l'avant-dernier album, je crois, ouais. Qui est sorti même, qui est tout un album concept qui a dû sortir avec un livre ou un comics pour raconter toute une histoire. D'accord. Ouais, ouais, non, moi j'ai surtout écouté Cauterize. Bah bien sûr, Cauterize. Dernier, forcément. Mais moi le dernier, tu vois, j'accroche pas du tout. Ah bon? Ah ouais. Bah, moi je vois pas où. Bah je trouve pas que où tu parce relâches que dans, en fait. Bah dans Cauterize, je trouve qu'il y a plus d'énergie, ouais. Il est plus vénère, ouais. Et là je trouve peut-être dans le dernier bah il est justement un peu plus trop calme, enfin ouais. Trop bah, c'est peut-être ça aussi, tu vois, j'ai pas tout écouté. Mmh. J'ai dû écouter et réécouter un petit peu Cauterize, Dust aussi je crois, c'est ça. Ouais ouais ouais. Et le dernier je crois même que je l'ai réécouté et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je te dis là que je trouvais que c'était pas si vénère, tu vois, dans l'ensemble. Tu vois, si par exemple je te dis que Tremonti il passe en main stage, t'es pas du tout surpris. Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mmh. Non, c'est pas lourd au point d'aller finir en vallée ou des trucs comme ça. Non. Et à titre c'est marrant que tu dises vallée parce que justement il manque un bout à ma table. Ouais. Si quand il est venu en 2016, il a dû jouer en vallée. En remplacement. Tremonti. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu un switch avec un autre groupe. Il s'est retrouvé à jouer le dernier groupe du samedi ou du dimanche. D'accord. Et il s'est retrouvé à jouer en Valais. Okay. Après, moi qui connais le Hellfest que depuis 2023, je suis pas non plus en mode choqué de l'entendre sous la Valais. Non, mais c'était juste pour un remplacement. Hein. C'était. Alors, regarde, attends, là je l'ai. Pourquoi ils disent Hellfest 2025 alors que. Pourquoi ils disent ça? Alors que c'était pas ça du tout. Non. Tremonti ce soir en concert à la Vallée, tu vois, n'avait pu arriver à temps pour son concert prévu à 12h15 alors qu'il venait des Pays-Bas, jouera ce soir sur la scène de la Vallée, tu vois. C'est de sa faute. Mais donc là c'est rigolo, c'est pour se dire que justement bah tu vois, un groupe comme même lui peut se retrouver à jouer sous la Vallée. Donc il y a une question si de scène. Si tu vois pas en main, s'il va pas en main stage, tu veux qu'il aille où peut-être? Ouais non, tout à fait, mais c'est vrai que bon c'est assez rigolo. Et donc il viendra pour la troisième fois cette année, après un passage en 2018 où là il a pu jouer à des heures correctes, où il a fait la blague, il a dit ouais la dernière fois que je suis venu j'ai joué plus tard que c'est le plus tard que j'ai jamais joué. Mais du coup tu as donc bien aimé ce ouais Tremonti ce... ouais c'est bonne découverte ouais, ouais. Et donc ouais. Tu te verrais bien franchement ouais il y a de grandes chances franchement bon, après c'est comme tout tu vois je dirais plus faire un tour vers le 8 c'est pour pas mouiller tu vois. Ah ouais, mais il y a de grandes chances que il se retrouve pas face à de grands rivaux quand même. Ouais, bon, faut voir parce que attends moi je commence à écouter tout me plaît déjà. Pour l'instant c'est du pain béni quoi, le gars ouais. Il se régale. Alors non, si je peux pas mettre une case là, si je fais ça ça veut dire que je vais me galérer derrière. Faut que j'arrive à rajouter une case où je te dis bah non, moi je vais le marquer ailleurs, je vais dire pour Tonight Tremonti, c'est faire un tour vers c'est le oui. Faire un tour vers le oui. Mais oui. bien sûr. Attends, est-ce que je vais alors je peux pas ouvrir ça si c'est bon. Tremonti. Eh ben moi je te conseille vraiment le comment on appelle ça, l'album Dying Machine. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais en plus je me suis rendu compte beaucoup il est passé dans mon plaisir coupable, c'est-à-dire je l'ai beaucoup écouté en mode ah je sais que c'est pas incroyable mais j'aime bien. Donc moi oh aussi. Ouais. Mais par contre tu vois contrairement à toi et l'ayant déjà vu pour moi à la meilleure période. Je pense pas que je retournerai le voir en main stage. Ou alors pour accompagner un copain ouais, comme toi, ouais, mais ouais. Je ressens pas le besoin de le revoir. Même si je sais que je passerai un bon moment, ouais. Comme Alter Bridge les autres années, tu vois. En main stage, je peux comprendre quand même. Bah c'est souvent ça, quoi. Ouais. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je te dis au download, j'étais devant lui. Je pouvais toucher la scène, il était vraiment devant moi. C'est une toute petite scène couverte au download, c'était pas une des grandes salles. Ouais, une ouais, grande ouais. Scène, pardon. Et c'était ça qui était vraiment top. Ouais. Donc c'est un peu tout ce que t'as à dire pour Tremonti. Pour Tremonti, ouais. On arrête là pour là. Eh bah écoute. Fin de ce premier petite capsule. Bah ouais. Et puis on va On verra. Je te dis à la prochaine. Hein. Un petit clink-clong de tasse de thé pour allez, la fin. Ah, il vient de spoiler tous les trucs. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire et je le dis à la fin parce que c'est plus rigolo, mais Mark Tremonti est américain. Bah oui, ça serait bien. Bah, attention, oui. Oui, bon, j'allais dire sinon t'aurais fait un cocorico, mais bon, il n'y a pas que l'Amérique et la France. Non, c'est vrai qu'il y a d'autres pays et que on en pourrait. Mais donc tu vois, c'est quand même vraiment marrant tous ces liens qu'il y a entre les deux. Enfin voilà, fin de cette première capsule et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Tiens, je.